Alors, première question, il y en a trois. Hein. C'est juste pour savoir, donc il y a vraiment plein d'influences par rapport au concert qu'on a vu ce soir. Il y a un peu de rock, on sent un peu d'électro aussi, un peu de musique latine, tout ça. Ça vient d'où tout ça? J'aime la musique. Alors, c'est vrai que moi, je viens du hip-hop, mais voilà, je reste dans un truc où je fais de la musique. Et voilà, j'ai un super band qui m'accompagne depuis 2012, où la plupart, effectivement, c'est des Cubains. Donc, c'est vrai qu'on peut ressentir l'influence latine. Bon, moi-même, je suis d'origine, enfin, j'ai les origines d'Amérique du Sud. Et puis, je sais pas, je me suis jamais trop mis de limite, tu vois. Regarde La Rage, c'est vrai qu'il avait une connotation un peu punk rock. J'ai d'autres morceaux qui peuvent avoir un côté un peu musique africaine, d'autres un peu reggae ska, d'autres. Voilà, et puis, je me mets pas de barrière. Et puis, je trouve que c'est. Ouais, je trouve que j'aime bien, tu vois, le métissage musical en fait. Est-ce que c'est dur d'être une femme dans ce milieu? Est-ce que c'est dur? Je crois que finalement, l'art en général, c'est pas important que tu sois une femme, un homme, un blanc, un noir, un riche, un pauvre, un petit, un gros, un maigre. Finalement, vu que c'est un truc où c'est une question de sensibilité, tu vois. La musique, mais ça pourrait être autre chose. Moi, j'ai l'impression que c'est plus dans la société. On va dire normal, ou je sais pas comment dire, tu vois, les cadres, les machins. C'est là où j'ai l'impression qu'il y a un gros décalage, si tu es une femme ou si tu es un homme, en fait, tu vois. Après, la musique, ça reste la musique, en fait, tu vois. Ce qui est important, c'est les émotions, les vibrations, le message, tu vois. Et finalement, peu importe quelle personne le dit, tu vois. Ça marche. C'est de cœur à cœur, en fait, tu vois. Donc non, ça va, j'en ai pas... Ça va, j'ai jamais senti de barrière parce que j'étais une femme ou autre. Super. Et du coup, c'est génial pour la dernière question. T'as un message à faire passer et c'est quoi? Ouais, j'ai c'est ce que j'ai dans toutes mes chansons en fait. J'aurais du mal à le synthétiser en une phrase, mais j'essaye de réveiller le bien qui est en nous. Réveiller un peu l'humanité qui est en nous, qui se perd. Et puis après, effectivement, ouais, il y a tout un message politique. Mais c'est avant tout le message spirituel que j'aimerais que les gens y retiennent. Même si, ouais, effectivement, je dénonce, ouais, il y a plein de trucs à dire. Ouais, c'est pas au système de construire une société, mais c'est à la société de construire un système qui lui ressemble. Tu vois, il y a tout qui est un peu inversé, donc effectivement, je le dénonce. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un message de cœur, un message d'amour que j'essaye d'apporter, donner de la force. Tu vois, la musique, c'est important, c'est quelque chose qui t'accompagne dans ta vie. À des moments charniers où tu as des choix et tout ça, tu vois, ça peut être un truc qui est important, tu vois. Alors essayer de vas-y, que les gens ils continuent à y croire, à croire en leurs rêves, à croire en eux et à se dire que, à essayer de développer le meilleur qu'on a en nous, quoi. Voilà, en gros, je dirais que ça serait ça le message, tu vois. Ça marche. Eh ben, je te remercie. Un peu de cœur. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, mon frère, tu déchires.